Culture Wave. Culture Wave, l'émission documentaire dédiée à l'univers de la Wave Music. Wave Music. Culture Wave. Culture Wave. Culture Wave débloque le compteur des années 80. Culture Wave. Artistes, labels, DJ, producteurs. Nous rendons hommage aux fondateurs et aux héritiers de la New Wave. New Wave. New Wave. Culture Wave. Culture Wave. Interview, portraits, mixtapes, concerts exclusifs. Culture Wave, Culture Wave, produit et animé par Greg et Walter, de Sampleur et Sans Reproche, chaque lundi de 23h à minuit sur Galaxy Radio. Galaxy Radio. Culture Wave. New Wave is alive. New Wave, New Wave is alive. Is alive. I feel so fucking alive. Je vous souhaite la bienvenue dans ce numéro de Culture Wave, cette émission qui permet de retrouver les sons de la bonne époque New Wave, parfois très underground ou tout simplement entrés dans les charts européens, mêlés à des formations beaucoup plus récentes et qui rendent hommage à leurs aînés. Au programme de cette édition s'enchaîneront la belle Kate Bush, suivie de Peach Yarn of Matter, Stress, Delphine Coma, The Ultimate Dreamers, pour un morceau paru à l'origine en 1988. L'Australien Chris Baha, Cinéma 90, de Rorschach Garden, Trisomie 21, d'Anna Plateau, Anne Clark, Rimmer London, Circuit 7, et pour finir, les Barcelonais de Semiotics Department of Heteronyms. Prenez du plaisir à l'écoute de ce Culture Wave, et n'oubliez pas, New Wave is alive. Culture Wave Mix. We'll be right back. industry needs help. We got some serious problems, but no problem is insoluble. It's the Lord is in it. If you call right now and say, I'm going to pray for revival in the United States of America, we owe it to our next generation, we owe it to ourselves, to tell you something about an alarming development in music that has come over to us from England called punk rock. Right here. This country needs help. We got some serious problems, but no problem is insoluble if the Lord is in it. If you call right now and say, I'm going to pray for revival in the United States of America, we owe it to our next generation, we owe it to ourselves. Gone forevermore. I'm a heart.

So far. Thank you. your image you gonna love. Boys, you fade in class. Video will fade one day. Science will have its way. Feelings don't count no more. Video's lost the war. See you.